Bonjour à tous. Je m'appelle Aslag et je suis un bourrin. Oui, non, pas tout à fait ce genre de bourrin. Ça va saigner! Voilà, plutôt ce genre-là en fait. Moi, dès qu'il faut réfléchir plus de 10 secondes, ça m'agace. Bon, tourne à gauche ou à droite? Tout droit! Mais j'avais pourtant verrouillé les portes! Pas grave, on est passé par le mur! Et dès qu'il s'agit de botter les fesses, croyez-moi, je suis le premier dans la mêlée. Salut, c'est moi! Je viens vous faire bouffer vos gencives, t'as le... bande de lâches! Mais vous barrez pas! J'ai même pas commencé! Wow! Je m'appelle Aslag, je suis un bourrin qui aime les sagas de bourrin. Et toi, quel genre de saga tu écoutes? World of Netophonics! Découvrez, téléchargez, écoutez et commentez gratuitement sur www.netophonics.com.